Quentin Bayot lit un extrait du journal de Franz Kafka. 1er juillet 1914. Trop fatigué. 5 juillet. Devoir supporter et causer de telles souffrances. 23 juillet. Le tribunal à l'hôtel. La course en fiacre. Le visage de F. Elle se passe les mains dans les cheveux, bâille, retrouve subitement des forces et dit des choses bien pesées, tenues depuis longtemps en réserve, hostiles. Le retour avec Mademoiselle BL. Ma chambre à l'hôtel. La chaleur réfléchie par le mur d'en face. Elle se dégage aussi des murs latéraux qui forment une voûte et enserrent la fenêtre placée dans un renfoncement. En plus, soleil d'après-midi. Le garçon, vivacité de mouvement, presque comme un juif de l'Est. Tapage dans la cour, comme dans un atelier de construction de machines. Mauvaises odeurs. Punaise. Difficile de se décider à l'écraser. La femme de chambre s'étonne. Il n'y a de punaise nulle part. Une seule fois, un client en a trouvé une dans le couloir.